a eu des changements. De suite que j'ai commencé à faire l'apprentissage, je me rappelle, les premiers croissants qu'on a fait, j'étais allé apprendre les croissants chez Didier à Barème. À l'époque, c'était Didier. Bon, c'est pas très vieux, il y a une trentaine d'années, on va dire 35 ans. Donc, il ne faisait pas des croissants et c'est moi qui amenais voilà, les croissants. C'est une anecdote. Mais... Et petit à petit, ça s'est fait comme ça, pour dans plusieurs domaines. Hein, dans... Mais mon père, il était très moderne, en fait. Et très, très moderne. Je me rappelle, à la grande modernité dans la boulangerie, ça a été les chambres de fermentation contrôlées. Ça nous permet de travailler n'importe quand dans la journée pour le lendemain. Donc on fait la fournée dans la journée, quand on a le temps, soit le matin, soit dans l'après-midi, soit le soir. On la bloque au froid à 5 degrés. Et après, voilà, cette fournée, on peut l'enfourner le lendemain en réglant les températures, en jouant sur les mécanismes de cette machine. Donc. Et à quoi ça ressemble? Alors, c'est un espèce de un grand placard. Alors voilà, je vous dis ça parce que lui, à l'époque, il avait entendu parler de cette chambre de fermentation. Et il y en avait une à Embrun dans le 05. Je me rappelle, on était allé à Embrun, il avait vu cette chambre, il n'y avait qu'une hein, dans le 05, il n'y avait pas dans le 04. Hein. Et quelques semaines après, on l'avait dans la boulangerie. Donc voilà, alors c'est vrai que nous on apportait un peu de modernisme, mais lui il fonçait quoi. Pour le matériel, c'est incroyable. On avait acheté aussi un laminoir professionnel à l'époque. C'était pas courant quoi, pas du tout. Voilà, donc